Chapitre 4. Le calvaire. Le lendemain, au point du jour, Hansel Eck se mit en route. « Pourras-tu me suivre, petit ? » demanda-t-il à son apprenti. « Tes pieds seront meurtris dès la première étape. Que ferai-je de toi si tu tombes en chemin ?»« Ne vous préoccupez pas de cela, maître. Je sais souffrir. » Mes pieds ont saigné tout leur sang, mes mains ont été déchirées, mon front porte encore la trace des cruelles blessures que les hommes m'ont faites. Nul sur terre n'a enduré ce que j'ai subi. Malgré tout, vous le voyez, je suis alerte. Comment te nommes-tu ? Emmanuel est un des noms que l'on me donne. Eh bien donc, Emmanuel, en route. Et ils partirent. Les vapeurs du matin estompaient l'horizon. L'air était tiède. « C'est singulier, » dit Hansel. « Hier, la route était remplie de cailloux et de ronces. La voilà couverte de verdure. Les pâquerettes se pressent à l'envi dans le gazon. On ne se lasse pas de marcher dans de tels chemins, et je me sens plus léger qu'au départ. » Et les insectes zonzonnaient, et les oiseaux gazouillaient, et les fleurs embaumaient. Nos voyageurs passèrent devant un calvaire. Sur la croix vermoulue, le Christ se penchait, mutilé. Un des poignets brisés pendait au clou. Le corps incliné attendait un dernier coup de vent pour rouler sur le chemin. « C'est un crime, vraiment, » dit Hansel, « de laisser ce pauvre Christ dans un pareil état. » Ne te sens-tu pas pris de pitié, et ne ferons-nous rien pour notre Sauveur ? Il ne sera pas dit que deux sculpteurs auront passé devant ce calvaire sans le réparer. « Soit, » dit l'enfant avec un doux sourire, « je vais m'y employer de mon mieux. » Et, ayant cueilli une branche de chêne, il façonna un bras pour le céleste mutilé. Quand le bras neuf fut en place, il fallut retoucher l'autre. « Bravo, petit !» dit Hansel. « Voilà qui peut s'appeler admirablement et lestement travaillé. Quel malheur qu'un peintre ne soit pas là pour achever ton œuvre !»« Qu'à cela ne tienne !» dit l'enfant. Et, prenant le couteau qui venait de lui servir, il s'ouvrit la paume de la main gauche. Le sang vint sur les lèvres de la blessure. « Que fais-tu ? » s'écria l'artiste en pâlissant. « Pourquoi te meurtrir ainsi ? » « Rassurez-vous, maître, c'est une blessure mal cicatrisée que je rouvre. » Et avec son sang, il se mit à peindre la statue. Quand l'œuvre fut achevée, elle était si merveilleusement belle que le sculpteur tomba aux pieds de son élève. « Que faites-vous ? C'est devant celui-là seul qu'il faut courber les genoux, » dit l'enfant en relevant l'artiste auquel il montra le calvaire. « L'homme ne doit pas s'agenouiller devant l'homme. » Ils se remirent en route. Hansel rêveur marchait devant. L'enfant se retourna et fit au crucifié un signe d'adieu que celui-ci lui rendit du haut de son calvaire.